إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence, c'est le cours numéro 13 dans l'explication du livre Zajr al-Mutahawin bidarari qa'idati al-ma'dirati wa al-ta'awun, et c'est l'explication en fait d'un livre écrit par le Cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman qui clarifie en fait le manhaj des salafs face à la divergence, et c'est pour réfuter la règle des ikhwan qu'ils considèrent comme étant la règle d'or. On travaille ensemble sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et on s'excuse les uns les autres sur les choses au sujet desquelles on est en désaccord. Et donc on va lire ensemble à ce sujet la suite de là où on est arrivé, à partir du point où on est arrivé. Le titre de ce chapitre maintenant c'est « Laysa kullu mukhti'in ma'juran ». C'est-à-dire, c'est pas toute personne qui fait une erreur qui est récompensée. Comme on a expliqué au début, dans les premiers cours, on a expliqué que lorsque quelqu'un fait une ijtihad, il est récompensé s'il a une bonne réponse, il aura deux récompenses. Toutefois, s'il se trompe dans son ijtihad, il aura une récompense au lieu de deux et il sera excusé pour son erreur. Ça, c'est une règle générale. Toutefois, il y a des exceptions à cette règle. Et le cheikh, c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas toute personne, c'est pas tout le monde qui fait une erreur qui est récompensé. Il faut savoir qu'il y a dans certains cas des personnes qui vont faire des erreurs et ces erreurs-là ne seront pas excusées de leur part et également ils ne seront pas récompensés. Donc le cheikh, il explique, il dit, قال الإمام الشافعي رحمه الله من تكلف ما جهل وما تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين خطأ بالفرق بين الخطأ والصواب. Donc le cheikh il cite cette parole de l'imam al-Shafi'i qui est cité dans Ar-Risala à la page 53. L'imam al-Shafi'i rahimahullah il dit, la personne qui parle de ce qu'il ignore et qui parle de ce dont sa connaissance n'a aucune confirmation, s'il a une bonne réponse, si ça arrive qu'il tombe par hasard sur la bonne réponse, eh bien, il ne sera pas glorifié ou c'est pas quelque chose qui est louable de sa part. Wallahu a'lam. Donc ça veut dire que dans ces paroles de l'imam al-Shafi'i, on voit clairement qu'il dit que si quelqu'un fait une fatwa ou bien parle dans la religion par ignorance et qu'il arrive par hasard à tomber sur la vérité, eh bien, c'est pas quelque chose qui est louable. Hein. Et il dit ensuite, et son erreur ne sera pas excusée. C'est-à-dire, s'il a une bonne réponse, c'est pas quelque chose qui sera loué, c'est pas quelque chose qu'on va glorifier de sa part. Parce qu'il n'est pas tombé sur la connaissance ou sur la bonne réponse à cause de sa science, il est tombé sur la bonne réponse par hasard. Et s'il fait une erreur toutefois, ça ne sera pas excusé de lui. Hein? Et parce que il a parlé de des choses dont il a aucune connaissance. إذا ما نطق فيما لا يحيط بي يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. Donc si il parle des choses et au sujet de cette chose, cette chose au sujet de laquelle il est en train de parler, il n'est pas capable de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces choses-là, alors dans ce cas-là, s'il fait une erreur dans ce sujet-là, alors il ne sera pas excusé parce qu'il parle sans science et donc il n'est pas excusé pour son erreur. Le cheikh il dit « كلام الإمام الشافعي رحمه الله هذا عليه نور الوحي فكم من خلاف وقع كان سببه القول على الله بغير علم وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وحديث بوريدة في القضاة. Donc on va donner les exemples à ce sujet-là. Le cheikh il dit, il fait un commentaire, le cheikh Al-Othman, il fait un commentaire ici à propos de la parole de l'imam Al-Shafi'i. Il dit cette parole de l'imam Al-Shafi'i, elle est comme éclairée de la lumière de la révélation. Il y a comme une lumière de la révélation dessus, dans le sens que ça, c'est clair que c'est une parole qui est inspirée de la révélation. Et il dit combien de divergences sont arrivées qui, à la base, étaient à cause d'une parole qu'on a dit sans avoir de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. C'est-à-dire, ne poursuis pas les choses au sujet desquelles tu n'as pas de science. Et on voit que, par exemple, dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, au sujet de ce verset-là, « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » il dit que certains des salafs ont expliqué « Ne dis pas « j'ai su » alors que tu n'as pas su. Ne dis pas « j'ai entendu » alors que tu n'as pas entendu. Ne dis pas « j'ai vu » alors que tu n'as pas vu. N'affirme pas quelque chose sans avoir une connaissance et être certain de la chose. Et donc ça c'est le commentaire du cheikh à ce sujet-là. Ensuite il dit وحديث بريدة في القضاء اثنان في النار ورجل قضى اثنان في النار رجل قضى للناس على جهل فهو في النار كما قيل لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف وكم من خلاف كان سببه العدول عن الكتاب والسنة إما لقول معظم أو لرأي محدث أو لشبهة مضلة كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا والقاضي الآخر الذي في النار رجل عرف الحق فجار فهو في النار وكم من خلاف قد ظهر فيه الحق ظهورا واضحا بينا ومع ذلك يخالف البعض فيها لا لخفاء الحكم بل تعديا فهؤلاء الظالمون آثمون بلا غيب بلا ريب. Donc le cheikh il dit ici il commence à donner des explications en se basant sur le hadith de Bouraïda au sujet des juges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'il y a deux sortes de juges. Il y en a deux qui sont dans l'enfer et un qui est au paradis. Et là il a expliqué, il a dit les deux qui sont dans l'enfer, le premier c'est un homme qui juge entre les gens, mais il juge selon l'ignorance, c'est-à-dire il juge sans science. Celui-là, il est dans le feu, c'est-à-dire il est dans l'enfer. Et ça c'est un hadith qui est rapporté dans Irwa al-Ghalil, en passant, le numéro 2614 et 2627 également. Donc c'est un hadith qui est rapporté dans Irwa al-Ghalil du Cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani dans son takhrij de des hadiths de Manar al-Sabil. Et donc il y a ce hadith-là qui dit ça. Il y a trois catégories de juges. Il y en a deux qui sont dans l'enfer. Le premier, c'est celui qui juge entre les gens par ignorance. Et lui, il est dans le feu. Et après, il mentionne une parole. C'est un proverbe que les gens répètent, ou un dicton. Law sakata man la ya'lam la sakata al khilaf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si les gens qui n'ont pas de science se taisaient, la divergence serait tombée. c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de divergence. Et ça, c'est quelque chose de vrai. Hein? Les gens, parfois, ils font qu'il y ait des divergences qui se propagent ou qui sont établies à cause de leur ignorance. Et s'ils s'étaient tus, s'ils avaient cessé de parler, eh bien, la divergence aurait été diminuée et même, parfois, elle serait disparue complètement. Et donc, ça, c'est pour dire que celui qui n'a pas de science, il doit se taire. Hein? Celui qui n'a pas de science, il doit se taire, et en particulier à l'époque actuelle, dans les questions de divergence entre les ulama, et quand quelqu'un est ignorant, il ne doit pas s'avancer et commencer à en parler, hein? Et diffuser ces divergences-là alors qu'il ne connaît pas. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, وَكَمْ مِنْ خِلَافٍ, hein? Il y a combien de divergences qui étaient à la base causées par le fait qu'on s'est écarté du Coran et de la Sunna. On a suivi autre que le Coran et la Sunna. Soit parce qu'on a suivi les paroles de quelqu'un qu'on respecte, hein, qu'on a placé à un niveau élevé, ou à cause du fait qu'on a suivi l'opinion de quelqu'un qui est une opinion innovée, ou bien à cause d'une shubha que quelqu'un a lancée, qui est une shubha qui égare les gens. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ومن يشاقق الرسول, et quiconque s'oppose au messager sallallahu alayhi wa sallam, une fois que la guidance lui a été clarifiée et qu'il suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ça, c'est pour le premier juge. Le deuxième juge, Al-Qadi Al-Akhar, le deuxième juge qui est dans l'enfer, le cheikh, il dit, c'est un homme qui connaît la vérité mais qui juge par injustice. Alors lui, il est dans le feu. Donc, le premier, il est ignorant. Lui, il juge entre les gens, mais il est ignorant, il est dans l'enfer. Le deuxième, il n'est pas ignorant. Il connaît la vérité, sauf qu'il juge différent. C'est-à-dire, il juge d'une façon différente de la vérité. Il s'écarte de la vérité, alors qu'il la connaît. Alors, ceux-là, ils sont dans l'enfer. Celui-là aussi, il est dans l'enfer. Hein? C'est comme dans le verset dans surat al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Al-maghdubi alayhim, c'est comme le deuxième juge ici. Il connaît la vérité mais il s'en détourne et il juge par autre chose que la vérité, alors il est dans le feu. Et il y a l'autre catégorie qui n'a pas de connaissance et qui juge entre les gens, celui-là aussi il est dans le feu. Hein? Parce qu'ils parlent sans connaissance, comme ad-dallin, comme les chrétiens que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat al-Fatiha comme étant ad-dallin, ad-dallun, c'est-à-dire les égarés, hein? Parce qu'ils n'ont pas de science et ils adorent Allah sans science. Donc c'est la même chose pour ce juge qui veut juger entre les hommes mais qui est ignorant, alors il est lui aussi dans le feu. Et le cheikh, il commente à ce sujet-là et il dit, combien de divergences sont des divergences au sujet desquelles la vérité est claire et apparente à son sujet. Elle est évidente. C'est-à-dire, la vérité, elle est tellement claire que personne ne peut s'en détourner. Malgré tout, vous trouvez certaines personnes qui vont juger d'une façon qui est en contradiction avec cette vérité-là. Hein? Et le cheikh, il dit, وَمَعْ ذَلِكَ يُخَالِفُ الْبَعْضِ فِيهَا لَا لِخَفَاءِ الْحُكْمِ بَلْ تَعَدِّيَنْ. Il y en a parmi les gens, ils vont contredire le verdict au sujet de cette question. Non pas parce que le verdict est subtil, ou non pas parce que le verdict est caché, ou qu'il est difficile à voir. Non, parce qu'ils veulent seulement transgresser et dépasser la limite. Et ceux-là sont des injustes, ils sont des pécheurs, et il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Donc ça, c'est l'explication à ce sujet-là. On voit ça aujourd'hui, des gens comme ça, qui sont en train d'opposer clairement et d'une façon évidente tous les textes et les preuves qui sont rapportés, hein, au sujet de certaines questions, et ils font semblant qu'ils ne les voient pas, et ils font semblant qu'ils ne les connaissent pas. Le cheikh, il dit, « Wa qala cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna l'ahkam al-shar'iyya allati nusibat alayha adillatun qat'iyya ma'louma, إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف بلاغا يمكنه من اتباعها فيخالفها تفريطا في جانب الله أو في جنب الله تفريطا في جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب أنه مخطئ آثم وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. شيخ الإسلام dit dans مجموع الفتاوى au volume 19 à la page 142 avec quelques modifications très très légères comme le cheikh il le dit. Il dit que le cheikh Ibn Taymiyyah il dit que les règles de la charia qui ont été établies sur des preuves qui sont claires et tranchantes et connues et lorsque ces preuves là ont atteint une personne qui est mukallaf et qu'elles ont été transmises à cette personne d'une manière qu'il n'a pas d'autre choix que de la suivre et qu'il la contredit, hein, il va en opposition à ces preuves-là d'une manière qui montre sa négligence envers Allah subhanahu wa ta'ala et une transgression envers les limites et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que cette personne-là est une personne qui est dans l'erreur et qu'elle est dans le péché. Et que d'agir de cette manière, et ça va être la cause pour lui du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et dans l'au-delà. Hein? Que cette attitude-là et cette action-là de sa part va être la cause pour lui du châtiment d'Allah dans la dunya et dans l'akhira. Et ça, donc, c'est la personne qui a reçu la preuve. Et il y a des preuves claires au sujet d'une question. Et il a reçu la preuve. Elle lui a été transmise d'une manière claire et d'une manière authentique et il la comprend et il la contredit, hein, par négligence envers Allah et également parce que il transgresse les limites d'Allah. Et il y a des gens de cette catégorie-là aujourd'hui qui voient un hadith qui est clair au sujet duquel il n'y a pas de doute et malgré tout ils disent moi je contredis ce hadith, hein. Donc ça c'est un exemple. Après il cite une autre parole. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو ظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد. شيخ الإسلام ابن تيمية dit dans le volume 3 de مجموع الفتاوى à la page 317: celui dont l'erreur est causée par sa négligence, hein, il a une erreur, mais cette erreur là elle est causée non pas parce que il a fait une erreur dans son jugement et malgré qu'il avait pris toutes les précautions et qu'il avait une connaissance, son erreur, elle est causée par une négligence de sa part, du fait qu'il n'a pas pris les choses au sérieux. Hein? Il a une négligence dans le fait qu'il n'a pas suivi le Coran et l'Iman, par exemple. Ou bien qu'il a transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les voies qu'on lui a interdit de suivre. Ou bien qu'il a suivi sa passion sans science, sans connaissance et sans une guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-là, il est injuste envers lui-même. Okay? Et il est parmi les gens de la menace. C'est-à-dire qu'il est sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Et donc, c'est terminé pour cette partie-là. Il a conclu le cheikh avec ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas mentionné le troisième juge, mais le troisième juge, on le devine, c'est celui qui connaît la vérité et qui juge selon cette vérité-là. Hein? Le cheikh dit « Mata yu'zaru al-mukhti » Ça, c'est un autre point ici, important aussi. Hein? Le cheikh, il pose la question dans le prochain point qu'il explique. Quand est-ce que la personne qui fait une erreur est excusée? Hein? Déjà, il y a un problème des fois chez les gens qui, parmi les mubtadi'a, qui veulent excuser toute personne qui fait une erreur. On a remarqué ça de leur part, du fait qu'ils disent tout le monde fait des erreurs. Hein? Tout le monde fait des erreurs, tous les savants. Il n'y a personne qui est infaillible. Et ça, on est d'accord. Mais il y a certaines erreurs que lorsque quelqu'un, on vient juste de le voir ensemble, lorsque quelqu'un fait ces erreurs-là, il n'est pas excusé, il n'est pas récompensé, pardon, hein, il n'est pas récompensé pour cette erreur-là. On l'a vu, on a expliqué, c'est dans quel cas? Dans les cas où quelqu'un juge par ignorance, ou quand quelqu'un juge d'une façon injuste parce qu'il connaît la vérité, mais il veut transgresser, hein, la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un exemple. Puis, là, il y a un autre cas, c'est quand est-ce que celui qui fait une erreur est excusé maintenant, hein? Est-ce que c'est tout le monde qui fait une erreur qui est excusé ou non, hein? Parce que comme le professeur Anselme l'a dit, kullu bani adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. C'est-à-dire tous les fils d'Adam font des erreurs et le meilleur des parmi eux qui font des erreurs sont ceux qui se repentent de leurs erreurs. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Toutefois, il faut comprendre aussi un point, c'est que c'est vrai qu'il y a des erreurs qui... c'est vrai que tout le monde fait des erreurs, mais ce n'est pas toutes les erreurs qui sont excusables. Il y a certaines erreurs que quelqu'un va faire et son attitude par la suite va faire en sorte qu'elle ne sera pas excusée, ou bien parfois il y a des cas où la personne n'est pas excusée, et on va lire ça ensemble. Le cheikh dit « Iza stafraga al-alimu » وسعه في تحري الحق وحسن قصده في ذلك واتبع سبيل المؤمنين في طلب الحق من الكتاب والسنة وكان جامعا لآلة العلم التي تمكنه من معرفة الحق وأخطأ في إدراك الصواب وحكم الله في نفس الأمر فهذا خطأه مغفور بل هو مثاب على اجتهاده وتقواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وعدم وقوع الخطأ من العالم غير ممكن ولم يدعه أحد من العلماء لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر Donc le cheikh il mentionne, il dit, lorsqu'un savant a fait tout son effort pour essayer d'arriver à découvrir la vérité, trouver la vérité, d'accord, et il a eu une bonne intention dans le fait de faire ça, c'est-à-dire il a cherché la vérité, il a fait les efforts, tout son effort pour arriver à cette vérité-là avec une bonne intention, hein, et il a suivi la méthode des croyants, et il a suivi la voie des croyants pour chercher la vérité par le Coran et par la Sunna, hein, et qu'il possède en lui tous les outils nécessaires pour arriver à connaître la vérité, et qu'il fait une erreur en essayant de faire un jugement à ce sujet-là. Donc il a fait une erreur dans le fait de connaître la bonne position et de connaître le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce sujet-là. Alors pour ce genre de personne, ce genre de savant, son erreur sera excusée, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner cette erreur-là, et non seulement que cette erreur-là lui sera pardonnée, mais également il sera récompensé pour son ijtihad et pour sa piété. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un fait une ijtihad, lorsqu'un juge fait une ijtihad et qu'il fait une erreur, il a une récompense. Donc ça, c'est dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme on l'a déjà expliqué. Et le cheikh, il dit que de ne pas faire d'erreur du tout, que quelqu'un, un savant ne fasse jamais d'erreur, aucune, c'est impossible. C'est pas possible. Et il dit, et il n'y a aucun savant qui n'a prétendu ça. Il n'y a aucun savant qui prétend qu'il ne fait pas d'erreur. Parce que d'arriver à la bonne réponse dans toutes les questions et dans toutes les règles de la charia, c'est quelque chose qui est soit impossible ou soit difficile. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être réaliste à ce sujet-là. Mais il y a deux choses auxquelles on doit faire attention ici. Moi, je rajoute un petit point ici. C'est qu'il faut faire une distinction entre la catégorie d'erreur dans quel domaine, et également la réaction face à cette erreur-là lorsqu'elle est corrigée de la part de la personne qui a fait l'erreur. Est-ce qu'elle revient à la vérité ou elle refuse? Donc ça, on va voir par la suite, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله وكلهم يعني العلماء معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. D'accord. Donc, ici il y a un point aussi que je vais rajouter avant d'expliquer la parole de l'imam Ibn Rajab, c'est qu'il y a les positions d'extrême, des extrêmes par rapport à l'attitude que les gens ont envers les savants lorsqu'ils font des erreurs. Il y a la position extrême de la part des sururiyins et des qutbiyins et des gens de Hizbiyya qui trouvent des excuses pour les mubtadi'ah et les gens de dhalal, et ils essaient de les comparer aux imams de l'islam, hein, et ils disent, mais ceux-là, les savants, les grands imams de l'islam ont fait des erreurs et eux aussi ont fait des erreurs, c'est-à-dire ces gens de bid'ah ont fait des erreurs. Donc ils mettent à égalité les deux pour essayer de faire comprendre aux gens que, étant donné que tout le monde fait des erreurs, on peut prendre tout le monde, hein? Comme par exemple lorsque tu critiques Sayyid Qutb ou Hassan al-Banna ou d'autres parmi des gens qui ont appelé à des formes d'égarement à notre siècle, hein, et qui ne faisaient même pas partie des ulama, ben quand tu critiques ces gens-là, ils vont te dire, parmi les gens de ces manahij aujourd'hui, parmi les sururiya et les qutbiyin et les ikhwan et les autres personnes de ces tendances, ils vont te dire, oui, mais ça, c'est des erreurs. Tous les savants font des erreurs. Personne n'est infaillible, hein. Et donc, ils essaient de dire par la suite, ouais, mais un tel imam a fait des erreurs. L'imam An-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, l'imam, par exemple, Al-Qurtubi, ou l'imam un tel et un tel a fait des erreurs. Donc, ils essaient de les mettre à égalité. D'autres vont dire, oui, l'imam Ahmad et Ben Hanbal ont fait des erreurs. Donc, comparer ces montagnes parmi les imams de l'islam à ces individus-là de notre siècle qui n'étaient même pas parmi les savants de l'islam, c'est de faire de l'injustice aux savants et de faire de l'injustice à la science également. On ne peut pas comparer ces deux genres de choses-là, sinon ça prouve notre injustice, ça prouve notre ignorance aussi, malheureusement. Donc, ça c'est un point important. Et il y a l'autre extrême, de la part de certains, parmi ceux qu'on appelle les haddadiyya. Et les haddadiyya, ce sont ceux qui font tomber tout le monde, sans exception. Mubtadir égaré, ou un alim salafi, ils les font tomber les deux de la même manière, comme s'il n'y avait aucune distinction entre les deux. Peu importe qui tu es, tu fais une erreur, tu tombes. Hein? On t'écrase et on te rabaisse comme si tu étais la pire des égarés pour une erreur d'ijtihad ou des choses de ce genre. Ils mettent tout le monde au même niveau. Et ça, c'est l'autre extrême qu'on appelle les gens de Haddadiyya. Hein? Comme Falah al-Harbi et d'autres personnes de cette catégorie-là aujourd'hui. Hein? Donc ça, c'est les deux extrêmes dans cette attitude. Et puis, il y a les gens qui sont dans les gens du juste milieu et qui suivent la voie d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a à ce sujet-là. Ils ne vont pas dans un extrême ni dans l'autre. Hein? Et ils appliquent le verdict et l'attitude de la justice à ce sujet-là. Donc, aussi, il y a des gens qui agissent d'une manière aussi injuste, dans d'autres façons aussi, mais on y reviendra. Maintenant, revenons à la parole de l'imam Ibn Hajar à ce sujet. Donc, l'imam Ibn Hajar dit dans son livre « Al-Farq bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir » à la page 20. La différence entre l'insulte et la nasiha et l'insulte, ou la critique et l'insulte. Et on a fait un cours là-dessus déjà avec l'explication du Cheikh Rabi' al-Madkhali, rahimahullah, et hafizahullah. Donc, il dit l'imam Ibn Rajab, « tous les savants reconnaissent qu'ils n'ont pas une connaissance qui enveloppe toute la science. Hein? Ils sont tous d'accord pour dire que on ne peut pas englober toute la science au complet. Il n'y a pas d'exception entre eux là-dessus. Pas un savant qui prétend qu'il a enveloppé et englobé la science en entier et qu'il connaît toute la science. Ce n'est pas le statut et le degré d'aucun d'entre eux. Hein, on n'est pas, on n'a pas nous des, dans l'islam, alhamdulillah, et dans la voie des salafs et dans notre manhaj, des individus auxquels on attribue le fait de connaître l'invisible ou de savoir toute chose ou d'être infaillible. Contrairement aux gens de bid'a et de dalal, comme les soufiyines par exemple, qui pensent que leurs awliya ont une connaissance complète de toutes choses, hein, lorsqu'ils ont atteint un certain degré, hein, ou bien ils prétendent que Al-Qutb ou bien Al-Rawth a une connaissance de toutes choses dans l'univers, et qu'ils vont même lire dans Al-Lawh Al-Mahfouz qu'est-ce qui est écrit pour savoir qu'est-ce qui se passe, hein, qu'ils ont une connaissance de toutes choses. Ça, c'est un extrême. Et il y a aussi les Rafida parmi les Shi'a qui prétendent que leurs imams savaient toutes choses, même quand ils étaient un spermatozoïde, dans l'état de spermatozoïde, ils avaient déjà la connaissance de l'infini, hein, de toutes choses. Ils sont infaillibles, ils ne peuvent pas faire d'erreur, ils ne peuvent pas faire d'erreur, même involontairement. Hein. Donc ça, c'est leur croyance par rapport à leurs imams. Nous, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on n'a pas ce genre de croyance par rapport et vis-à-vis nos imams, les imams d'Ahl Sunnah. Il n'y a aucun d'entre eux qui prétend atteindre ce niveau-là ou prétend connaître toute chose. Et il n'y en a aucun d'entre eux parmi les savants du passé, de même comme les savants d'aujourd'hui, qui a prétendu avoir l'infaillibilité et la connaissance de toute chose. Et c'est pour ça que les imams des salafs sont tous d'accord. Il dit « فَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ » tous les savants et les imams des salafs autour desquels les gens sont d'accord au sujet de leur science et de leur mérite, hein, les grands imams que tout le monde apprécie, et les imams que tout le monde reconnaisse leur science et leur mérite, ils acceptaient la vérité. Lorsqu'on leur amenait la vérité, ils l'acceptaient et ils reconnaissaient. S'ils ne connaissaient pas la question et que quelqu'un leur amène la preuve ou la clarification, ils l'acceptent et ils la suivent. Hein? Même si c'est quelqu'un qui est plus jeune qui vient leur présenter la preuve, il l'accepte. Le cheikh, il dit ouais, in kana sariran. Hein? Donc ça veut dire même si c'était un grand imam de l'islam et que quelqu'un arrivait et venait le voir et qu'il était plus jeune que lui ou qu'il avait moins de science que lui, il acceptait la preuve et la vérité qui lui était présentée de la part de ces gens-là, de ces autres personnes. ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. Et ils incitent leurs compagnons et leurs fidèles, les gens qui les suivent, d'accepter la vérité lorsque cette vérité-là leur est présentée et qu'elle vient d'autre qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui vient leur présenter cette vérité-là et ils doivent l'accepter. Et c'est ça qu'il nous a enseigné de faire. Hein? Et combien de citations qu'on a des imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a parmi les imams, les quatre a'imma des madhahib et d'autres parmi les imams des salaf aussi, qui disent que si le hadith il est authentique, c'est ça mon madhab, et ne me suivez pas aveuglément, hein, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a qui clarifient ces situations-là et ces paroles-là. Le cheikh il dit voilà qu'il n'y a pas un yu'lama. أنه لا يلزم الشرع قول قاله عالم باجتهاده فأخطأ وإن كان قائله من أفضل الأمة وأجلها. لشيخ الزي ensuite قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من خطأهم وخطأ غيرهم كما قال ابن مسعود في المفوضة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. المزوجة المزوجة بغير مهر. المفوضة ici c'est de qui on parle, c'est المزوجة المزوجة بغير مهر. Donc ça c'est pour qu'on se confonde pas entre les personnes dont, si on parle des mufawwida, on parle pas des mufawwida dans les noms et les attributs. Ok, le cheikh il dit ici que maintenant qu'on a compris qu'il n'y a pas de savants qui sont infaillibles, que tout le monde peut faire des erreurs, il faut quand même comprendre un point important ici. Il faut que tout le monde sache qu'une chose, c'est que la charia n'impose pas, la révélation ne nous impose pas de suivre la parole d'un savant lorsqu'il a fait une erreur dans son ijtihad. On n'a pas à suivre la position ou la parole qu'un savant a émis sur une question lorsqu'il a fait une ijtihad et qu'il a fait une erreur dans cet ijtihad. Même si cet imam est le meilleur parmi les imams de la Ummah et les plus respectés parmi les imams de la Ummah, si on sait que cet imam-là a fait une erreur, on n'a pas le droit d'imposer aux gens de le suivre et on n'a pas le droit de le suivre également. Et le cheikh il mentionne une parole de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là dans le volume 33 de Majmu' al-Fatawa à la page 41 et 42. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, et c'est pour ça que les sahaba, lorsqu'ils parlent selon leur ijtihad, ils purifient la révélation et la charia que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de leurs erreurs et des erreurs d'autres qu'eux-mêmes, des erreurs qui sont faites par d'autres. Comme Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit à propos de Al-Mufawwida, c'est-à-dire la femme qui a été épousée sans mahr. Ça c'est expliqué dans Al-Mughni, regardez le volume 10 à la page 148. À ce sujet-là, il a dit, il a fait une ijtihad à ce sujet-là et il a dit, je dis cette chose à ce sujet-là selon mon opinion. Si cette opinion-là est en accord, et elle est correcte, elle est en accord avec la révélation, alors ça vient d'Allah. Mais si c'est une erreur, alors ça vient de moi-même et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Donc c'est pour dire que les ulama et les imams et les sahaba, lorsqu'ils faisaient une ijtihad, lorsqu'ils faisaient une ijtihad, ils ne disaient pas avec certitude c'était le verdict d'Allah ou que c'était la révélation d'Allah, comme on l'a expliqué déjà. Ils clarifiaient que si c'était une position qui est en accord avec la révélation, alors dans ce cas-là, c'était la vérité, ça vient d'Allah. Mais si c'était une erreur, alors c'est mon erreur, ou bien ça vient du shaitan ou de moi-même, mais c'est pas quelque chose qui doit être attribué à Allah et à son messager. Ça, on en a parlé dans les premiers cours également. Et donc ça, c'est pour faire comprendre que on n'a pas le droit d'attribuer une erreur à la charia. On n'a pas le droit d'attribuer une erreur à la charia. Et donc, il y a des gens qui pensent que la charia, c'est toutes les positions et toutes les opinions qui ont été émises par tous les savants dans les livres de fiqh à travers l'histoire. Et que tout ce qui est dans les livres de fiqh, dans un madhhab quelconque, ça c'est la charia. Ou ils croient que ça fait partie de la charia. Mais c'est incorrect de croire ça. Qu'est-ce qui fait partie de la charia? C'est qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et si dans ces livres-là, il y a des positions qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, parmi les formes d'ijtihad que les ulama ont fait, dans ce cas-là, on ne peut pas attribuer ces erreurs-là à la charia. Et c'est pour ça qu'il faut ramener les divergences au Coran et à la Sunna. Donc, ça c'est la parole de Ibn Taymiyyah, mais sa parole, elle n'est pas finie. Elle continue également. Il dit « وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ السِّدِّيقِ فِي الْكَلَالَةِ وَكَذَلِكَ عَنْ عُمَرَ فِي بَعْدِ الْأُمُورِ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصِيبُونَ فِيمَا يَقُولُونَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَتَّى يُوجَدْ النَّصِ مُوَافِقًا لِاجْتِهَادِهِمْ كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره إنما كانوا أعلم بالله ورسوله وبما يجب من تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضيفوا إليه إلا ما علموه وما أخطأوا فيه وإن كان وإن كانوا مجتهدين قالوا إن الله إن الله ورسوله بريئان منه. Donc il continue, Ibn Taymiyyah il explique au sujet de il dit de même que on a rapporté au sujet de Abu Bakr as-Siddiq dans son verdict ou dans son ijtihad au sujet de al-Kalala, comme dans le, ça c'est si vous retournez par exemple dans Surat Surat al-Nisa, le dernier verset 176, hein, Allah il dit justement à ce sujet-là, قل الله يفتيكم في الكلالة. Et l'explication qui est donnée au sujet de al-Kalala, oui c'est ça, un défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant, ça c'est al-Kalala. Puis après, selon Ibn Umar également, au sujet de certaines questions, il a fait des ijtihad lui aussi. Et même s'ils avaient raison, hein, dans qu'est-ce qu'ils disaient, dans ce point de vue-là, à ce sujet-là, jusqu'à ce qu'ils ne disaient pas, ils n'affirmaient pas avoir, ils n'attribuaient pas le verdict qu'ils faisaient à Allah et à son messager, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un texte authentique et clair qui supporte leur ijtihad. Hein? Comme par exemple, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a fait une ijtihad et les textes ont supporté son ijtihad, hein, de même que d'autres également. Et il connaissait Allah subhanahu wa ta'ala et son messager plus que quiconque, hein, et il savait qu'est-ce que la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam méritait comme respect. Et malgré tout ce qu'ils avaient comme science et comme crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça, ils évitaient d'attribuer leur ijtihad à Allah et à son messager jusqu'à ce qu'ils aient su avec certitude que leur position et leur ijtihad étaient supportés par un texte de la révélation. Et ils disaient, avant ça, ils disaient, et Allah et son messager en sont innocents. C'est-à-dire, ce verdict ou cet ijtihad est une erreur, Allah et son messager en sont innocents. Maintenant, on va rentrer dans un autre point. C'est au sujet des principes et des règles dans les questions d'ijtihad. Le cheikh il dit استجدت بعض النوازل في ايامنا هذه. Ça c'est un point très important dont on va parler maintenant. Ça nous concerne actuellement dans certaines situations qui nous arrivent aujourd'hui. Et le fait de lire ça ensemble, ça va nous aider à avoir une meilleure compréhension peut-être par rapport à la façon dont on doit agir lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent dans la Ummah et les réactions qu'on doit avoir et comment on doit agir dans ces situations-là. Donc le cheikh il dit استجدت بعض النوازل في أيامنا هذه وهي مسائل غير منصوص وهي مسائل غير منصوص عليها بعينها نصا خاصا ولكن لا شك أن هذه النوازل قد أحاطت الشريعة بها علما لكمالها فالشرع له قواعد كلية ترد إليها أمثال هذه الجزئيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فرد على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد في المعينات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا. Donc le cheikh il explique pour commencer. Il dit qu'il y a certaines choses qui tombent sur la Umma parfois, des grands événements, des grands malheurs, des grands problèmes et des choses qui se produisent, qui sont qui arrivent actuellement à l'époque actuelle, et ce sont des questions ou des choses qui arrivent qui, au sujet desquelles on ne retrouve pas un texte clair et spécifique à leur sujet en particulier. Hein, c'est des choses qui se produisent, qui ne se sont jamais produites auparavant. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que ces situations-là et ces événements-là ont été expliqués et clarifiés par la charia. Il y a une science à leur sujet qui a été révélée, qui enveloppe ces questions-là dans la charia. Parce que la charia, elle est parfaite. Et donc, il faut qu'il y ait dans la charia des informations ou des règles pour savoir comment agir dans ces situations-là. Le cheikh, il dit que la charia, ou la shar, c'est-à-dire la révélation, elle contient des règles, des fondements, des principes entiers, hein, complets, c'est-à-dire des règles, comment je pourrais dire, kulliya, c'est-à-dire des règles, kulliya, ça veut dire kul, ça vient de kul, c'est-à-dire de tout, c'est-à-dire, donc c'est des règles générales qui peuvent s'appliquer à différentes situations ou différents cas. C'est comme des règles générales qu'on peut expliquer, qu'on appelle qawaid, des règles kulliya, c'est-à-dire qui sont des règles générales pour toutes les situations. Et ces règles-là, on peut rentrer sous ces règles-là plusieurs différents cas individuels, différents, hein, parce que c'est comme des grandes lignes, des principes qui nous aident à juger dans ces différentes situations-là. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il le dit dans son livre Minhaj al-Sunnah, le volume 6, à la page 139 et 140, il dit que يعني فإن الشارع نصوصه donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est الشارع, celui qui a légiféré, qui a fait descendre la révélation, ces textes et les paroles également du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des paroles qui sont des paroles qu'on appelle jawami'. Et jawami', qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots limités qui sont peu nombreux. C'est pas beaucoup de mots parfois, mais qui ont des grandes significations. Et tu peux extraire de ce peu de paroles beaucoup de principes et de règles à la base. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles qui englobent beaucoup de significations. Hein, comme on dit que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a reçu, qu'est-ce qu'on appelle? Jawami al-Kalim. C'est-à-dire, il a reçu des paroles, hein, qui sont très, très, qui sont très peu, c'est-à-dire quand il s'exprime, il n'utilise pas beaucoup de mots, mais les mots qu'il utilise sont des mots qui comportent et qui contiennent de grandes significations, et grâce à ça, on est capable d'extraire beaucoup de compréhension et de verdict par ces paroles-là, même si elles sont limitées, malgré tout, il y a beaucoup de science dedans, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse dedans. Donc, ces paroles-là sont qu'est-ce qu'on appelle jawami'. Et les questions, des fois, ces cas-là, les différentes situations, sont kulliya. C'est-à-dire, des choses qui sont mentionnées dans la charia sont des choses qui s'appliquent à plusieurs situations, et plusieurs cas, et plusieurs événements, ou plusieurs verdicts. Plusieurs choses. Donc, ce sont des règles générales. Et le cheikh, il dit, c'est pas possible qu'il y ait un texte qui soit mentionné ou révélé sur chaque cas individuel de qu'est-ce qui va se passer dans le monde jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire, s'il fallait qu'il y ait un livre ou une révélation pour chaque cas individuel et chaque signification individuelle dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, ça prendrait le Coran devait être des volumes et des volumes, hein, et la Sunna également. Ça veut dire qu'il y aurait pas assez de, c'est-à-dire ce serait trop lourd, trop grand, hein. Et donc c'est pas possible qu'il y ait un texte spécifique à propos de chaque événement et chaque situation. Sauf que le cheikh il dit, sauf que il faut donc faire l'ijtihad, hein, au sujet de ces différentes situations-là qui apparaissent au fur et à mesure. Et ces situations-là qui apparaissent, elles rentrent. Il faut faire des ijtihad pour savoir si elles rentrent dans les règles générales ou non. Hein? Et c'est ça que font les mujtahidines. Les mujtahidines, avec la science qu'ils ont, la compréhension qu'ils ont de l'islam et leur intelligence également et toute la science qu'ils ont, ils arrivent à savoir est-ce que ces situations-là entrent dans les règles générales, est-ce qu'on peut appliquer ces principes-là et comment agir dans ces différentes situations-là. Donc, ça, c'est le rôle des ulama, des grands savants et des grands imams de l'islam. Le cheikh, il dit, ma'al asaf, donc ça, c'est la fin de la situation. Est-ce que c'est la fin de la citation? Oui, ça, c'est la fin de la citation. Ensuite, le cheikh Hamad al-Uthman, il dit, ma'al asaf, sarat amthalu hadhihi nawazil sababan fi tafarruq shabab al-ummah عن علمائها وصار بعض طلبة العلم يستقل بقوله في هذه النوازل مخالفا عامة علماء الأمة الكبار المشهود لهم بالاطلاع بالعلم وحسن القصد والسيرة وإذا قيل له في ذلك أجابك بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهذه قاعدة صحيحة ولكن الأمر ليس كما يريد هؤلاء فثم ضوابط وآداب لمسائل الاجتهاد. Donc le cheikh il dit que malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que ces différentes situations qui se produisent dans la Ummah sont parfois les causes de la divergence de la division des jeunes de la Ummah et du fait qu'ils s'écartent et qu'ils se séparent de leurs ulama et de leurs savants. Donc on retrouve que parfois certains tullab ilm, des étudiants de sciences, prennent des positions indépendantes des grands imams et des grands savants dans ces situations-là et dans ces événements-là, et ils contredisent la grande majorité des ulama qui sont les grands savants de la Umma, desquels on peut témoigner de leur science et de leur bonne intention et de leur parcours, de leur suivi durant leur vie, comment ils ont suivi la vérité. Donc, le cheikh, il est en train de mentionner un point qui est vraiment sensible à l'époque actuelle. Puis on peut tous le remarquer lorsqu'il y a un événement. Quand il y a eu, par exemple, la guerre du Golfe, la première fois, quand il y a eu d'autres situations, on remarque, de la part de certains toulab al-ilm, qu'ils veulent prendre une position indépendante et qu'ils veulent s'opposer parfois même aux grands ulama de la Ummah qui sont sur le Coran et la Sunna. Et donc ça, c'est une grave erreur et ça cause de la division. Et ça fait en sorte que les jeunes s'écartent par la suite de leur ulama. Donc le cheikh, il dit que c'est triste qu'on voit que dans ces situations-là, on voit ces genres de choses-là. Des jeunes, tolab al-ilm, qui s'opposent aux grands ulama de la Ummah. Les grands imams de la Ummah, ces grands savants de la Ummah, on est tous témoins de leur science, de leur bonne intention. Et ici, quand il parle de la bonne intention, le cheikh, en bas de page, il mentionne, il dit que la question du fait qu'on témoigne de leur bonne intention, c'est pas basé sur, il dit هذا من الأمور المعلومة بسبر مواقفهم وسيرهم وسيرهم وليس هو غيبيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة الإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغير ذلك، فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة، والأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس، فمن جربوه وامتحنوه. الشيخ يقول que ces choses au sujet de ces savants. Quand on dit qu'on connaît leur bonne intention, on connaît d'eux et on témoigne de leur science et de leur bonne intention, c'est pas des choses qu'on connaît par connaissance de l'invisible, bien entendu. C'est des choses qu'on peut reconnaître et qu'on peut connaître par leur parcours et par leur position à travers les situations qui sont arrivées dans leur vie. Et le cheikh, il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah, le volume 8, à la page 474 et 475, il dit que la foi d'une personne, on peut la reconnaître. On peut reconnaître on peut connaître la foi d'un homme. De même qu'on peut également connaître les états de son cœur par ses alliances, par les personnes avec qui il s'associe, il s'allie, par les personnes qui, par ses oppositions, les personnes avec, contre qui il se positionne, et les gens envers qui il a une animosité. On peut aussi connaître l'état de son cœur par ses joies, par ses colères, par sa faim, par sa soif, ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui ont des implications apparentes. Hein, lorsque quelqu'un a ces choses-là intérieurement, hein, lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il est en colère, lorsqu'il est allié avec quelqu'un, lorsqu'il est opposé à quelqu'un, lorsqu'il a faim, lorsqu'il a soif, c'est des choses intérieures, mais on peut le revoir, on peut le voir à l'extérieur, parce qu'il y a des choses à l'extérieur qui vont apparaître, qui sont impliquées par ses états d'âme et ses situations qui sont à l'intérieur de lui-même. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est quelque chose que tout le monde sait par expérience, hein, et des choses qu'ils ont expérimentées ou qu'ils ont testées. Donc ça, c'est un exemple que le cheikh donne pour nous faire comprendre quand on parle de la science de ces gens-là, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on a vu de leur expérience, de leur parcours, de leur vie, hein, à travers les siècles, comment ils ont agi, comment ils ont vécu, ces savants-là. C'est pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, il dit ça y est, moi je suis sur la voie des salafs et il espère que tout le monde le suive du jour au lendemain, hein, parce que tout d'un coup il a compris quelque chose de la vérité. Non, c'est pas le cas de ces savants-là. Ces savants-là, ils ont grandi, ils ont vécu dans la voie des salafs. Depuis qu'ils ont commencé à chercher la science quand ils étaient tout jeunes, et tout le long de leur vie, à travers les différentes étapes et les différentes situations qu'ils ont eu à affronter, et jusqu'à aujourd'hui maintenant, quand ils sont âgés, qu'ils ont 70 ou 80 ans, ils sont toujours restés fermes sur cette voie-là. Ce n'est pas des gens qui ont changé de tendance du jour au lendemain, un jour ils sont à gauche, l'autre jour ils sont à droite, comme certaines personnes aujourd'hui, qui malheureusement, aujourd'hui sont, hier ils sont avec Tablir, après ils sont avec les Ikhwan, après ils sont à Sururi, après ils sont Ikhwani, après ils sont ci, ils sont ça, après tout d'un coup ils deviennent Salafi, après ils changent, hein, à chaque fois que le vent tourne, ils tournent avec le vent. Hein, ils n'ont pas de position ferme et stable parce qu'ils ne sont pas des gens qui ont une voix claire. Tandis que c'est des ulama ceux-là qui sont fermes et qui sont restés clairs et fermes à travers leur vie. Hein? Donc il n'y a pas eu on n'a pas vu ces attitudes de la part de ces grands imams. Ce sont des gens, leur vie est un témoignage de leur bonne intention, ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il dit. Lorsque tu dis ça à des gens, lorsque tu dis à certaines personnes, écoutez, ces jeunes qui ont fait, parmi les toulab al-ilm, qui se sont opposés aux grands imams et aux grands savants, ils se sont trompés, ils ont fait des erreurs, ils ont contredit le manhaj des salafs. Quand tu leur dis ça, eux, ils te répondent quoi? Ils te répondent, il n'y a pas de inkar dans les questions d'ijtihad. En voulant dire que ces jeunes-là, ces jeunes toulab al-ilm, ils ont fait une ijtihad, ils ont fait un effort pour arriver à la vérité de leur propre initiative. Et donc, il y a une règle qu'ils ont ramenée à ce sujet-là. Et c'est une règle qui dit que dans les questions d'ijtihad entre les savants, il n'y a pas d'inkar. C'est-à-dire, on ne doit pas faire de réprimande ou désapprouver l'ijtihad d'un savant parce que c'est une ijtihad. Et le cheikh il dit وَهَذِهِ قَاعِدَ غَيْرُ صَحِيحَةً هَذِهِ قَاعِدَةٌ صَحِيحَةٌ وَلَكِنَ الْأَمْرُ لَيْسَ كَمَا يُرِيدُ هَؤُلَاء فَثَمَّ ضَوَابِطْ وَآدَابِ لِمَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ. C'est une règle qui est correcte, sauf que il ne l'applique pas de la bonne façon. Hein? C'est pas de la manière dont ces gens-là ont voulu l'appliquer. Hein? Parce qu'il y a des règles à suivre et des manières à adopter dans les questions d'ijtihad. Et il donne des explications maintenant. Et c'est ça ce qu'on va lire ensemble maintenant. Le cheikh, il dit, الأمر الأول أن مسائل الاجتهاد موكولة إلى أهل الاجتهاد. وهم العلماء. قال الشاطبي: الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر عن أهله الذين اطلعوا بما يفتقر إليه الاجتهاد. Premier point, premièrement, ça c'est le premier point qui est important à comprendre pour voir leur erreur. C'est que premièrement, l'ijtihad, les questions d'ijtihad, elles sont réservées aux gens qui détiennent la capacité de faire l'ijtihad. Et ce sont les ulama. Premièrement, donc ces tulab al-ilm, eux-mêmes ne sont pas des ulama. Ils n'ont pas atteint ce degré. Et donc, comment ils peuvent prétendre vouloir faire des ijtihad dans ces grandes questions qui yani, influencent le sort de, qui vont influencer le sort et yani, les qui vont avoir des impacts sur le sort de la Ummah et de la da'wah. Donc ça c'est des questions qui sont réservées aux ulama et non pas aux tulab al-ilm. Hein? Quand quelqu'un il a 40 ans de plus que toi dans la science et dans la guidance et dans la voie des salafs, et que toi tu viens de commencer, hein, alors tu veux t'opposer à ces grands imams de l'islam alors que tu n'as pas leur science ni leur sagesse ni leur expérience ni leur compréhension, et tu veux ramener les gens à toi-même, ça c'est grave. Donc le cheikh il dit ici les paroles de l'imam al-Shatibi dans Al-Muwafaqat, le volume 4 à la page 167. Il dit que l'ijtihad qui est reconnu et qu'on prend en considération selon la charia, c'est l'ijtihad qui est fait par les gens de l'ijtihad, qui ont étudié et qui ont une connaissance des outils nécessaires pour faire l'ijtihad, hein, qui ont étudié et qui ont connu les choses qui sont nécessaires pour pouvoir faire l'ijtihad. Ça c'est de un. Deuxième point, hein, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait l'ijtihad maintenant. Allah musta'an. Il y a cette catégorie là parmi les aqlaniyin et les autres qui pensent que tout le monde est au niveau de l'ijtihad et que chacun peut juste regarder les textes de l'islam et faire des ijtihad de lui-même comme ça, alors qu'il n'a même pas étudié même pas 1% de qu'est-ce qu'il faut pour être un mujtahid. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit comme deuxième point, al-amru thani مصلحة ائتلاف الأمة على علمائها واتفاقهم عليهم خير من شذوذ طالب العلم عنهم. Le cheikh il dit comme deuxième point, attends, on va lire la parole qu'il a mentionnée par la suite. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية وهذا عين الفقه فإن العلماء انتهى كلامه وهذا عين الفقه فإن العلماء أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم إذا لم تجب طاعتهم في النوازل فمتى تجب طاعتهم فالمسائل المنصوصة طاعتهم فيها تبع لطاعة الله ورسوله فليتدبر اللبيب هذا الموضع. The deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on a dit. Il dit le cheikh que le bienfait d'être réuni, de réunir la umma autour de leur ulama, autour de ces ulama, et d'être en accord avec eux, c'est mieux que de prendre des positions singulières, les positions singulières d'un élève de sciences islamiques qui aurait pris des positions indépendantes dans certaines questions. Et surtout quand ce sont des questions de grande importance et de grande envergure. Le cheikh, il dit dans Sharh al-Tahawiyyah, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, il dit dans Sharh al-Tahawiyyah, les preuves du Coran et de la Sunna, les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que le consensus des salafs de la Ummah, ont prouvé que le dirigeant, l'imam de la salah, le juge, l'amir dans la guerre, et celui qui collecte les sadaqa et la zakat, doit être obéi dans les questions d'ijtihad. Et quelqu'un, c'est-à-dire on doit retourner à leur ijtihad, dans les questions d'ijtihad, on doit les obéir. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. Et il n'a pas à obéir les gens qui le suivent dans les questions d'ijtihad. Au contraire, c'est eux qui doivent le suivre. C'est eux qui doivent le suivre dans ces sujets-là. Et abandonner leur propre opinion personnelle pour le bien de la jama'a. Pour le bien de la jama'a et le bien de voir que les gens sont ensemble et réunis. Parce que le méfait qui vient de la divergence et de la division est plus grand que leur position dans des questions individuelles et séparées. Et ça, c'est un point important. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que quand il y a quelqu'un qui a une autorité dans la société, soit le dirigeant du pays, une position officielle, ou quelqu'un qui a été mis en place comme imam par ce dirigeant dans une mosquée, ou bien un juge une cour ou un tribunal, ou bien un amir dans la guerre qui a été établi par le dirigeant. Il ne faut pas interpréter ça ici, cette parole, comme certains pourraient essayer de l'interpréter aujourd'hui, comme certains groupes, certaines jama'at qui établissent des chefs pour eux-mêmes et des gens, ils les mettent à certaines positions et ils se donnent des autorités qu'ils n'ont pas. Ils se donnent une autorité qu'ils n'ont pas et ils essaient d'imposer aux gens de les suivre. Et ils disent, bon, écoutez, vous les musulmans, vous les salafis, vous êtes en train de diviser les musulmans parce que vous écoutez pas les gens qui sont responsables de nos organisations. Ça, c'est vos organisations. Ils n'ont pas d'autorité. Nous, on retourne aux dirigeants et on retourne aux ulama de la Ummah. C'est eux qui tranchent, pas des gens comme vous, qui n'ont pas de connaissances dans les questions de sciences islamiques et des choses de ce genre. Et on les voit, ces gens-là, aujourd'hui, qui sont pas des savants, qui n'ont pas de étudié l'ilm shara'i. Ils ont des diplômes en médecine, ils ont des diplômes en chimie, ils ont des diplômes en toutes sortes d'autres choses, en sciences politiques, et ils se permettent de parler d'ijtihad et de sciences islamiques. Même parfois, ils ont des diplômes en littérature française. Et puis, ils commencent à parler de religion et ils opposent les ulama de l'islam. Et ils disent, oh, vous les salafis, vous faites de la divergence et vous voulez diviser. Non, on parle de ceux qui ont une autorité et qui ont été mis en place par ceux qui ont une autorité. Eux, s'ils font une ijtihad, donc dans ce cas-là, on doit abandonner notre position à nous, personnelle, tant que c'est des questions d'ijtihad, bien sûr, il ne faut pas mélanger non plus aussi. Donc, tant que c'est des questions d'ijtihad, on abandonne notre ijtihad personnel et on suit leur ijtihad à eux. C'est ça que le cheikh dit ça. Pourquoi? Pour éviter la division et le méfait de la firqa et la divergence dans ces questions-là. Et le cheikh, il dit que ça, c'est ça le fiqh, en fait. La compréhension de la religion, c'est ça le fiqh. Parce que les ulama font partie d'une des deux catégories de ceux qu'on désigne comme étant ceux qui détiennent le commandement, ulat al-amr, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'ordre et le commandement. Les mufassirin, les savants, ont expliqué que ulat al-amr, ce sont les dirigeants et les ulama. Et donc, les ulama sont une des deux catégories de ceux qu'on doit obéir. Et donc, Allah nous a ordonné de les obéir. Et si dans les questions de Nawazil, quand il y a des grands événements et des grosses fitnas dans la Umma, si on ne retourne pas à leur obéissance à eux, alors quand est-ce qu'il faut les obéir dans ce cas-là, si ce n'est pas dans ces situations-là? Donc le cheikh, il dit que si ce sont des فَالْمَسَائِلَ الْمَنْسُوسَةُ طَاعَتُهُمْ فِيهَا تَبَعُنْ لِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit que les questions qui sont basés sur des textes, par contre, on doit les suivre et les obéir en accord avec ce qui est l'obéissance d'Allah et de son messager. Donc, ça, c'est juste un point pour clarifier. C'est que là, on parle des situations d'ijtihad au sujet desquelles il n'y a pas de textes précis et clairs qui sont mentionnés. Mais dans les situations où il y a des textes qui sont précis et clairs, et dans ce cas-là, on obéit aux savants de l'islam uniquement dans l'obéissance d'Allah et de son messager, de même que les dirigeants aussi. Donc ça, c'est une petite nuance aussi pour faire comprendre cette situation-là. Il faut distinguer les cas où il y a des textes clairs et des situations où c'est des cas d'ijtihad. Le point numéro 3 au sujet de cette question, le cheikh il dit مشاورات العلماء الأمر الثالث مشاورة العلماء وهي دليل على علم المشاور واتباعه لأمر الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك مشاورة العلماء نقد في علم المعرض عنهم قال ابن القيم رحمه الله إن كان عنده من يثق بعلمه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاعا بها أن يستعين على الفتوى بغيره من أهل العلم وهذا من الجهل فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الصحابة وربما جمعهم وشاورهم حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما وهو إذ ذاك يشاور ابن عباس رضي الله عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سنا وكان يشاور عليا رضي الله عنه وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وكان ابن عباس انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne ici comme troisième point les ulama, il faut qu'il y ait une consultation des ulama. Donc quand il y a une fitna ou un grand événement qui se produit dans la umma, on ne prend pas une position avant d'avoir consulté les ulama. Et ça, c'est la preuve de la science de la personne qui demande le conseil et la consultation. Et c'est la preuve qu'il suit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et le fait d'abandonner la consultation des ulama, c'est un signe de la faiblesse de la science et de la défaillance de la science de cette personne qui s'est détournée des savants. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans I'lam al-Muwaqqi'in à la page au volume 4 à la page 256, et si il y a il parle du savant ou de la personne qui doit juger, qui doit prendre une décision, s'il y a auprès de lui des gens dont il fait confiance en leur science, il a confiance en leur science, alors il faut qu'il les consulte. Il ne doit pas prendre une position indépendante et répondre par lui-même, sans prendre le conseil et la consultation des autres. وَارْتِفَعًا بِهَا أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَى الْفَتْوَى بِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Il ne doit pas prendre sa propre position de façon indépendante en s'élevant lui-même pour essayer de dire qu'il ne veut pas demander l'aide de quelqu'un dans une fatwa. Il ne veut pas demander aux autres hommes de science. Il veut faire sa fatwa toute seule, par lui-même. Il dit ça, c'est de l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a glorifié, il a fait l'éloge des croyants en disant qu'ils font leurs affaires par consultation entre eux-mêmes. Comme Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, et consulte-les dans l'affaire. Et leurs affaires sont réglé par consultation. Et par, ils se consultent entre eux. Donc le cheikh, il dit, cette question, cette mas'ala, par exemple, il y avait des questions qui arrivaient à l'époque de Omar ibn al-Khattab, des situations nouvelles qui se produisaient. Et il demandait le conseil, hein, il cherchait le conseil de ceux parmi les sahaba qui étaient présents avec lui. Et parfois même, il les réunissait pour ça. Et il leur demandait le conseil. Hein. Bien entendu, il demandait le conseil de n'importe qui. Hein, c'est pas comme la démocratie. Hein, il ne demande pas à n'importe quelle personne. Non, il demande, bien entendu, aux savants parmi les sahaba, aux grands parmi les sahaba. Et parfois même, il allait même jusqu'à demander le conseil des sahaba comme Abdullah ibn Abbas, qui était le plus jeune parmi eux à l'époque, mais qui avait une grande science, hein, et il prenait le conseil de Ali radiyallahu anhu, et de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et de Talha, et de Zubayr, et de Abdurrahman ibn Auf, et d'autres radiyallahu anhum ajma'in. Donc ça, c'est la fin de la citation de l'imam ibn al-Qayyim. Donc ça, c'est pour nous faire comprendre que les ulama, ils se consultent entre eux avant de prendre une position. Ils ne font pas une fatwa toute seule comme ça, indépendamment. Et donc un talib ilm qui est petit ou qui est débutant, il ne doit pas prendre une position et se mettre prendre une position ou faire une fatwa indépendamment des hommes de science sans les consulter, dans des situations qui sont très difficiles parfois, de prendre une position singulière et de s'opposer aux autres. Il doit retourner aux ulama et de leur demander conseil. Et on a vu ça dans l'attitude des grands ulama d'aujourd'hui, lorsqu'ils veulent prendre une décision, même parfois lorsqu'ils veulent écrire un livre à propos de quelque chose ou à propos de quelqu'un. Hein, on a vu ça de la part de certains d'entre les grands ulama. Ils envoient une copie de leur livre à différents grands ulama de l'époque, justement pour avoir leurs conseils, pour avoir leurs critiques, pour avoir leur point de vue. C'est mieux de se faire critiquer sur quelque chose avant que de se faire critiquer sur un livre après qu'on l'ait déjà publié. Et donc les ulama, alhamdoulilah, justement, ils envoient le livre aux ulama et aux shuyukh et aux ulama, comme par exemple Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. J'ai remarqué dans ses livres, souvent dans l'introduction, il mentionne et il montre les réponses des ulama auxquels il avait envoyé son livre avant de le faire publier, et on remarque qu'il leur avait envoyé des copies pour avoir leurs commentaires et leurs critiques et leurs conseils. Et il montre la réponse de ces ulama, comment ils ont approuvé du livre et comment ils ont aimé le livre. Et parfois, certaines personnes vont répondre d'une façon contraire et ils vont critiquer le livre, et il va profiter de ces critiques-là. Et parfois même, il va voir que certains d'entre eux sont des gens qui n'ont pas critiqué le livre avec justice, et il va les réfuter justement, comme on a vu dans certaines situations, sans mentionner les cas. Et c'est pour dire, le cheikh, il dit que il faut qu'il y ait cette consultation entre les hommes de science, et que celui qui veut se mettre indépendant par rapport au ulama, eh bien, on voit que ce sont des gens qui ont peu de science et peu de compréhension. Le cheikh dit: wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala fi siyar a'lam an-nubala. Ça, c'est dans Siyar A'lam an-Nubala, c'est mentionné par l'imam al-Dhahabi, et il a dit que c'est une isnad qui est sahih. C'est les paroles de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit: in kuntu la as'alu anil amr al-wahid 30 min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu il dit: moi, avant de dire quelque chose sur une question ou sur un seul sujet, je demandais avant à 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez Abdullah ibn Abbas, avec la science qu'il possède et la compréhension qu'il possède de la religion, avant de prendre une décision ou de parler sur un sujet, hein, ou de prendre une décision, il demandait à 30 parmi les sahaba pour savoir yani, qu'est-ce qu'il allait faire ou qu'est-ce qu'il allait dire. Et donc ça, c'est mentionné dans Siyar A'lam an-Nubala, le volume 3, à la page 444. Après, le cheikh, il dit: al-amru rabi', il dit بعض النوازل والمسائل المستجدة الخطأ فيها واضح بين فلا يتجه الاعتراض على منكرها بدعوى أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في رده على من جوز المظاهرات ومنع من إنكارها بدعوى مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، قال حفظه الله: مسائل الاجتهاد قسمان، قسم نعلم خطأها فتنكر، وقسم يكون الأمر فيها مترددا فهذا هو الذي لا ينكر. وعلى هذا عمل سائر علمائنا الكبار ينكرون المظاهرات وأشباهها، كسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز والشيخ العلامة الألباني والعلامة صالح الفوزان وغيرهم، ولا يلتفتون إلى مثل هذه الإرادات الواهية الواهنة. Ici, le cheikh il nous mentionne un autre point. Et tout ce qu'on explique maintenant, ça s'applique à la situation qu'on est en train de subir. Parmi les situations comme par exemple à Gaza, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer par rapport au Nawazil? Ça a rapport à ça aussi. Qu'est-ce qui se rapporte également à toutes les questions qui se sont passées dernièrement, également dans d'autres pays musulmans aussi? Tous ces sujets-là, c'est la même chose. On n'a pas le droit de parler de ces choses-là, sauf si les grands ulama de l'islam de notre époque en ont parlé. Et on ne parle pas et on ne prend pas des positions singulières à ces sujets-là. Et on ne suit pas les passions dans ces sujets-là. Et donc, comme quatrième point, le cheikh il dit, il y a dans certaines situations où il y a des événements dans la Ummah ou des genres de choses nouvelles qui arrivent, les questions qui ont rapport à ces sujets-là, l'erreur à ces sujets-là sont évidentes parfois. Et il y a des jeunes, Tullab al-Ilm, parfois qui prennent des positions, et les positions à ces sujets-là sont évidentes et claires, clairement dans l'erreur. Et donc, on ne doit pas se retourner vers les oppositions et les objections de ceux qui prétendent qu'ils sont en train de dire qu'ils font des ijtihads et que dans les questions d'ijtihad, on ne doit pas faire de réprimande ou de dénonciation ou de rejet entre les ulama ou entre les tullab al-ilm. Et ça, c'est comme le cheikh il explique ici. Il dit on ne peut pas utiliser ça comme une excuse parce que l'erreur, elle est claire dans ces questions-là. Et il mentionne les exemples de la parole de Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, ici, lorsqu'il a réfuté les gens qui veulent permettre les manifestations. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui voulaient faire des manifestations au sujet de qu'est-ce qui s'est passé en Palestine, à Gaza et tout. Et il y en a qui font des manifestations comme ça, ils pensent que ça change les décisions des dirigeants. Et de ces gens-là qui font l'injustice. Et parfois, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que, au contraire même, au lieu de les décourager, ça les encourage, justement même, à continuer dans leurs injustices. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bon, ces gens-là, ils sont fâchés maintenant, ils s'énervent, regardez comment ils réagissent, on va les faire enrager encore plus, et on va continuer à faire de l'injustice encore plus. Et donc, ça, c'est des exemples de gens qui veulent sortir, faire des manifestations pour montrer leur force, alors qu'ils n'ont pas de force, et qui ne font juste qu'augmenter la rage et l'injustice des ennemis. Et ça amène plus de mal que de bien. Et donc ici, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il a réfuté ceux qui voulaient permettre les manifestations. Ça, c'est dans une cassette, dans Tasjilat ibn al-Qayyim al-Islamiyya au Koweït. Le numéro c'était 5738. Il a dit il y a quelqu'un qui lui a posé la question qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas dénoncer les manifestations parce que c'est des questions d'ijtihad, et dans les questions d'ijtihad il ne peut pas y avoir de inkar, il ne peut pas y avoir de réprimande ou de dénonciation au sujet des ijtihad. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, qu'est-ce qu'il a répondu à cette objection-là? Il a dit rahimahullah, Les questions d'ijtihad sont divisées en deux catégories. Il y a une catégorie d'ijtihad, l'erreur à son sujet, elle est connue, donc on doit la réprimander et la renier et la rejeter. Et il y a une autre catégorie d'ijtihad, c'est une ijtihad au sujet de laquelle il y a des hésitations. Les choses sont pas très très claires ou bien sont difficiles à juger à leur sujet. Et dans cette catégorie d'ijtihad là, il ne doit pas y avoir d'inkar, ou bien il n'y a pas d'inkar. Et comme des ulama ont clarifié dans d'autres détails à ce sujet là, c'est que pour être plus précis, c'est qu'il y a une inkar, sauf que l'inkar doit être fait avec plus de douceur, hein, puisque c'est une question d'ijtihad. Donc on ne va pas faire une inkar avec une attitude agressive. On va faire l'inkar mais d'une façon qui est plus douce et plus moins agressive, pour justement le fait qu'il y a une divergence d'ijtihad entre les ulama. Et donc cette règle là, comme on a vu, il y a des détails à son sujet. C'est pas toutes les ijtihad qui sont des ijtihad qui rentrent dans cette catégorie là. Il y a des ijtihad qui sont clairement erronés, hein, comme les ijtihad de ceux qui suivent leur passion, ou qui veulent suivre une bid'a, ou qui suivent une chose qui est contraire à la vérité, là, on la rejette sans hésitation, hein. Et ça, c'est la même chose, la même façon dont les autres grands ulama de la Ummah ont agi également au sujet des manifestations. Ils ont toutes rejeté, tous les grands ulama de l'islam, ils ont tous rejeté les manifestations. Comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, et le Cheikh Al-Albani, et Cheikh Salih Al-Fawzan, et d'autres également parmi les grands ulama. Et donc, on ne doit pas donner d'importance et se tourner vers ceux qui amènent ces genres d'objections futiles, hein, pour essayer de prétendre que des questions de divergence, on ne peut pas faire d'inkar à leur sujet et des choses de ce genre. Donc, nous, aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à ce point pour aujourd'hui. Et on continuera ça demain, inshallah, la suite. Et demain, je ferai en sorte d'être à l'heure pour le début du cours, à l'heure habituelle, inshallah. 10h30 pour Montréal, 16h30 si je ne me trompe pas pour la France. Donc, inshallah, non, c'est pas 16h30, c'est 18h. En tout cas, 10h30 ici au Canada le matin. Puis il y a 6 heures de décalage, donc ça veut dire vous ajoutez 6 heures à ça, ça vous donne l'heure qui doit être en France. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette science soit bénéfique pour nous tous, et qu'il nous augmente en compréhension et en connaissance et en crainte de lui. آمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته